Les événements du Proche-Orient ne laissent personne indifférent, car leur impact se répercute toujours sur l'ensemble de la politique mondiale. Plus que jamais, les destinées de l'humanité se forgent dans cette région du globe. Aussi faut-il considérer les conflits qui agitent les pays bibliques aujourd'hui comme le prélude d'un bouleversement majeur que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Ce sera la dernière des guerres mondiales, un événement que Dieu a inscrit de tout temps dans le calendrier universel et dont la Bible parle à diverses reprises. Une guerre terrible doit donc embraser le Proche-Orient à la fin des temps. Les armées de la terre entière s'uniront alors dans le but de rayer définitivement l'État d'Israël de la planisphère. Lisons par exemple Zacharie chapitre 12 verset 3. En ce jour-là, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Le peuple juif sera alors plongé dans la plus profonde détresse de sa longue histoire, une histoire pourtant bien mouvementée et sanglante. Mais aujourd'hui, voyons la fin du chapitre 11. C'est le passage qui montre comment les nations parviendront à s'unir pour tenter de détruire Israël. Il est cependant possible qu'une question se pose à vous. Si vous vous en souvenez, nous examinions alors comment Daniel avait prédit l'histoire 3 ou 4 siècles à l'avance et dépeint le processus des conflits qui, entre l'an 312 et l'an 165 avant Jésus-Christ, ont opposé la Syrie des Séleucides à l'Égypte des Ptolémées. Ce récit aboutissait ainsi au sacrilège commis par le roi Antiochus Épiphane à Jérusalem en l'an 171 avant Jésus-Christ. Comment donc pouvons-nous passer sans transition de ce processus vieux de plus de 20 siècles à un événement encore futur qui se déroulera à la fin de nos temps? À première vue, rien ne nous autorise dans ce chapitre 11 de Daniel à faire cet immense saut dans le temps. Et pourtant, à y regarder de plus près, c'est précisément la prophétie concernant Antiochus Épiphane qui nous permet de passer d'une époque à l'autre. Il est question d'Antiochus à partir du verset 21 de Daniel 11. Mais cette description dépasse de beaucoup l'Antiochus historique. Comme cela s'est produit à diverses reprises dans le livre de Daniel, cette prophétie vise deux périodes dans son accomplissement. L'une rapprochée dans le temps, l'autre fort éloignée. Ainsi, Antiochus Épiphane, ce dictateur de l'Antiquité, devient une figure, une image, un antitype de l'Antéchrist, le souverain universel de demain. Par exemple, Daniel annonce, au sujet d'Antiochus, « Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte, et ses troupes profaneront le sanctuaire et dresseront l'abomination du dévastateur. » Versets 28 et 31. Cela est vrai d'Antiochus. Il a profané le temple de Jérusalem en l'an 171 avant Jésus-Christ. Mais l'Antéchrist doit en faire autant, et même il en fera infiniment plus. Il s'attaquera à l'héritage spirituel le plus sacré de l'humanité lorsqu'il instaurera le culte de sa personne à la place du christianisme et lorsqu'il se proclamera sauveur à la place de Jésus-Christ. L'apôtre Paul annonce à son sujet qu'il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Ce temple de Dieu sera-t-il un temple matériel établi à Jérusalem? C'est possible. Mais il peut aussi s'agir du temple spirituel de l'Église chrétienne considérée dans son ensemble. La chrétienté infidèle ira jusqu'à accueillir dans son sein l'adversaire de Dieu et elle l'adorera à la place de Dieu et de son Fils. N'y aura-t-il pas là un sacrilège infiniment plus grave que celui d'Antiochus Épiphane? Or, le Seigneur lui-même a prédit ce sacrilège dans son discours prophétique du Mont des Oliviers. Nous lisons Matthieu 24, 15. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Dans cette prophétie, le Seigneur évoque précisément la phrase de Daniel 11, 31, où il est question de l'abomination du dévastateur dressée en plein sanctuaire de Dieu. C'est donc le Seigneur lui-même qui nous aide à placer dans le futur cette fin du chapitre 11 de Daniel et à y discerner un homme, l'Antéchrist, et par voie de conséquence, un événement, la bataille d'Armageddon. Et maintenant, l'objectif prophétique de cette page de la Bible étant déterminé, arrêtons-nous au verset 36 de Daniel 11. Le roi, donc l'Antéchrist, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Le roi fera ce qu'il voudra. Les chefs d'État aujourd'hui ne font pas ce qu'ils veulent. Mais l'Antéchrist, lui, fera ce qu'il voudra. Nous savons par Daniel 7 qu'il aura surgi du bassin méditerranéen et qu'il commencera par établir son pouvoir sur 10 nations de cette région du monde. C'est donc en venant de l'ouest qu'il envahira le Proche-Orient. D'abord, et selon Daniel 11, 40, il affrontera un roi venu du Midi, peut-être à la tête d'une coalition islamique groupant les peuples afro-asiatiques. Puis, il se heurtera au roi du Septentrion, un dictateur qui s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Aujourd'hui déjà, cet ennemi venant du nord menace les peuples du Moyen-Orient comme une épée de Damoclès suspendue sur leur tête. À l'avènement de l'Antéchrist, cette menace se concrétisera sous la forme d'une invasion militaire foudroyante. Une invasion évoquée ailleurs dans la parole de Dieu, notamment dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39. Or, cette invasion suscitera une vive réaction chez d'autres belligérants, anxieux d'avoir, eux aussi, leur part du gâteau dans le partage du pouvoir universel. À ce point précis de l'histoire future, les chapitres 9 et 16 de l'Apocalypse apportent leur indispensable complément au chapitre 11 de Daniel. Une armée de 200 millions de soldats viendra d'Extrême-Orient, franchira l'Euphrate et envahira la Palestine. Jamais armée si nombreuse n'aura été assemblée dans l'histoire. L'Antéchrist, apparemment surpris, prendra très au sérieux cette menace. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Verset 44. Essayez de vous représenter, chers auditeurs, la situation dramatique que connaîtra le Proche-Orient à ce moment-là. Venu de l'Ouest, l'Antéchrist et ses troupes seront comme conviés à un rendez-vous de l'histoire, puisque les armées du Nord et du Sud les y auront devancés, alors que celles de l'Est s'apprêteront à les y rejoindre. Les armées de tous les peuples seront donc rassemblées dans ce périmètre limité à l'ouest par la Méditerranée et à l'est par la vallée de l'Euphrate. Mais alors que toutes ces armées seront assemblées, il semble que les charismes de l'Antéchrist exerceront leur pouvoir séducteur sur les chefs d'État comme sur les généraux. Ils en oublieront soudain leurs ambitions et leurs rivalités pour se soumettre à un objectif commun, l'élimination d'Israël. Israël qui aujourd'hui déjà est plus seul que jamais dans les arènes internationales où il fait figure d'accusé. Israël qui doit cependant jouer demain un rôle décisif pour le monde. Mais il faut le dire, un rôle dont cette nation paraît plus indigne que jamais. Et pourtant, c'est le Dieu des cieux qui le lui réserve. Oh oui, il faudra qu'Israël s'humilie et se repente devant son Seigneur avant de devenir une bénédiction pour le monde. Mais revenons au suprême rendez-vous des peuples à Armageddon. Ce ne sera pas seulement la fin du monde actuel, mais une fin qui précédera l'aube d'un jour nouveau pour le monde, l'avènement de Jésus-Christ pour son règne millénaire. Un jour, bientôt, Jésus-Christ apparaîtra sur la sainte montagne de Jérusalem où Dieu l'établira roi. Comme il le précise au psaume 2, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Mais avant que Jésus-Christ ne soit acclamé à Sion, cette sainte montagne de Jérusalem fera l'objet de la convoitise de l'Antéchrist, l'imposteur. Comme le montre Daniel 11, 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Oui, subitement, l'Antéchrist arrivera à la fin de sa carrière sans que personne lui soit venu en aide. Déjà au chapitre 8, nous avons vu que l'adversaire de Dieu sera brisé sans l'effort d'aucune main, verset 25. Et au chapitre 2, Daniel nous a présenté Jésus-Christ dans son avènement futur sous l'image d'une pierre détachée du ciel sans le secours d'aucune main, versets 34 et 45. Le monde de demain vivra donc des événements qui ne se décideront ni à l'ONU, ni au Kremlin, ni à la Maison-Blanche, parce qu'ils seront décrétés au ciel dans la présence même du Tout-Puissant. La main et le vouloir des hommes n'y pourront rien. Sans demander la permission à qui que ce soit, Dieu écrasera l'Antéchrist, le super dictateur qui aura osé le défier en mobilisant les nations pour exterminer Israël. Il le frappera de manière surnaturelle, apportant ainsi un dénouement inattendu à la bataille d'Armageddon. C'est bien ce que l'apôtre Paul a prévu en 2 Thessaloniciens 2:8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Chers auditeurs, dans la perspective de cet avenir, nous avons aujourd'hui un impérieux devoir à remplir. Prier pour les autorités de nos pays respectifs. Prions qu'elles apprennent à s'incliner devant l'autorité suprême du seul souverain et qu'elles consentent à lui rendre honneur et gloire. Ce sera pour le plus grand bien des hommes épris de paix et ce sera en faveur du salut des âmes précieuses pour qui Jésus-Christ a donné sa vie.